Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de blues. Deux heures de blues cette semaine, mon nom est Denis Beaudin, vous êtes sur C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières, la station de la Radio Campus. Ça me fait plaisir d'être là la semaine dernière, malheureusement, à cause de travaux dans le studio. On a un très beau studio, je travaille debout cette semaine, ça me fait plaisir, c'est différent, ça donne une toute autre ambiance. On a dû laisser passer l'émission. Alors, cette semaine, on vous fait une émission tout à fait dans l'ambiance du temps des fêtes. On vous fait une émission avec beaucoup de musique de blues de Noël et on commence immédiatement avec Christmas Blues et Ken Heath. See, pretty baby, that we'd be together Christmas time. Well, now it's Christmas time, little darling. Will you be here when the bell starts to chime? Without a crew, pretty babe. What is the morning without the dew? What is a ship without a crew, pretty baby? Is the morning without the dew? Well, what is my life, pretty baby? With another Christmas child, die without you. Something vie en rose, la vie en rose. Pièce que nous venons d'entendre s'appelle Santa's Got Something for Me. C'était Barbara Diab. Barbara, que nous avons eu l'occasion de rencontrer il y a quelques semaines, avec qui nous avons une belle rencontre radiophonique, qui nous a présenté son dernier album. On poursuit. Et avant, on avait Ken Heath. Ken Heath est un groupe de blues américain qui vient de la Californie, qui a plus de 40 albums à son actif. C'est un blues band qui est en formation et en opération et qui joue toujours depuis les années 1965. On poursuit avec Sonny Boy Williamson. La pièce s'appelle Santa Claus. My baby was shopping yesterday, so I'm gonna buy what you need for Santa Claus. Baby was shopping yesterday, so I'm gonna buy what you need for Santa Claus. I'm gonna take mine with me, but I'll leave your heart and my dress a draw. So let's start me rambling, looking in all of my baby dress a draw. Wow, that started me rambling. Look at all that my baby does a draw. Trying to find out what did she bought me for Santa Claus. When I pull out the bottom dress a draw, your landlady got mad and called along. Bottom dress or draw, the landlady got mad and called the law. I'm just trying to find what did she bought me for Santa Claus. The bully's walking and taught me on the shoulder. What you doing with your hand in that woman dress or draw? needs a letter, my baby wrote me. Sure, my shit, I find my Santa Claus. I just kept on pulling out all of my baby dress of drawers. I walked out of the boat and landed on it. Said, look out the man and put out all the ladies dress of drawers. Yes, I walked out and left the police and landed on it. Said, look out the man and put out all the ladies dress of drawers. I got to let her show the judge. The boy just trying to find his Santa Claus. Oh, yeah. Vous écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Oh man, will you please turn your radio on? Yeah, everything poor lady, I'm telling you a lie. Oh man, will you please turn your radio on? You know it's been snowing in New York City. Oh yes, ever since this black man been gone. Poor children running, crying, asking their mama why this old Santa Claus won't get a chance. Oh, Lord, come down our chimney tonight. Oh, yeah, they've been at the mama. Come down the chimney tonight. Mama says, I already got the present here, darling. Know what old Sandy's whiskers ain't too white. Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. J'ai remis du bois dans la cheminée, y avait pas son père. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard et elle me dit une boîte crécelle. J'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelais Marie-Noël. Je m'appelais Jean-Balthazar. J'étais la fille du Père Noël. J'étais le fils du Père Fouettard. Je m'appelais Marie-Noël. Je m'appelais Jean-Balthazar. Ah, cette pièce s'appelait les... La fille du Père Noël était interprétée par un groupe qui s'appelle Les Deux Lux. C'est un groupe de Montréalais qui fait un blues francophone intéressant et je trouvais que la pièce, ça donnait très bien dans notre thème de ce soir. C'est une pièce que j'ai découvert ce matin dans le cadre de l'émission Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin. La prochaine pièce s'appelle Christmas, Merry Christmas Baby. Elle est interprétée par B.B. King. On my radio, I would love to hug and kiss you. Santa. I make my runs about the break of day. They call me backdoor Santa. I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys are out to play. Santa be in trouble if ain't no Jimmy in the house. They call me back to Santa. I make my runs about to break a day. Look ahead. I make all the little girls happy while the boys are out to play. That's what they call me, back to Santa. That's what they call me. They call me back to Santa. That's what all the girls call me. C'est fou. 89.1. Visitez cfou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. À Très Blues à Cifou, voici l'histoire du blues avec Paul Delaurier. Salut Paul Delaurier. Comment ça va, Denis? Ça va très bien, Paul. Une petite semaine de repos, mais tu étais en spectacle dans la région la semaine dernière, donc ça... Oui, tout à fait. Tout à fait. Paul, on retourne dans notre histoire du blues. On va aller écouter des choses qui nous passionnent beaucoup. On est encore dans la fin du Delta Blues. Oui, on est quasiment dans la période transitionnaire du blues, où est-ce qu'on a migré du Delta à des villes comme Chicago et Détroit et Saint-Louis, tout ça. Donc, le premier artiste que je vous présente, c'est un de mes artistes fétiches. On a déjà présenté une pièce à lui, je pense, dans notre toute première édition ensemble. Je vous présente, c'est un artiste qui a été redécouvert aussi dans les années 60 avec le blues boom des années 60. Et puis, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et la particularité, j'ai deux chansons que j'ai présentées cette semaine, que je présente, qui parlent de train. Et donc, celle-ci, c'en est une. C'est du grand Book of White. Et puis, la particularité de cette chanson-là, c'est que beaucoup, tous les couplets sont parlés. Il y a quelques trucs qui sont chantés, mais il raconte une histoire. Parce que lui, il est sur le bord d'un train, puis il est en train de jouer pour gagner un peu d'argent. Puis il y a une femme qui se présente, puis qui demande, tu sais, est-ce que tu as une scène à me prêter? Est-ce que c'est ça? Puis moi, je... Puis à 4 heures que le train passe, puis Booker, il dit, moi, je regarde pas l'horaire du train, j'essaie de faire un peu d'argent. Donc, ça s'appelle Special Streamline, Booker White, enregistré en 1940. That's that fast special streamline leaving out of Memphis, Tennessee, going into New Orleans. She's running so fast the hobos don't fool with this train. They stand on the track with the hat in their hand. I had a friend girl that morning was catching that train. She got up singing this song. Hey, Dad, I'm sorry to leave my home. No, no, no, no. She heard that 8:30 local blowing that morning. She hadn't read the train in a good while. She thought it'd have that special streamline. She heard that 8:30 local when she's coming to the line. They cleared up for that streamline blowing like this. She said, Dad, is that my train? I said, I ain't keeping up with the train time. I'm trying to make a few dimes. she dropped her head and went to singing and crying. Say, it's all right how you tie me down. I ain't got a dime. After she called for a ticket, she heard this special streamline drawing 36 miles from Memphis, Tennessee. Making lonesome now, cause I'm a hobo myself sometimes. Man asked her what out of the train. She told him she didn't know it. She could hear the bell, she could tell him all about it. As she dropped over that hill and dropped off in the valley, she heard the bell begin to tone like this. Make it sound like a church bell tone. Before she got to that 10-mile tunnel, she blowed and throwed on our breath. Our breath. When she got to that 10-mile tunnel, she was getting cross. She was tipping across the automatic switch, getting the water and coal on the fly. You could hear when she's striking that double line like this. Run across the last one she squalled in. This girl looked out and seen that train. She come as a singing and crying. Hey, Dad, I don't wanna leave. I believe I lose my mind. When that train got a little close, she got to New Orleans. She went around and curled. You could hear her when she was blowing like this. Was always standing at the station down there to see that train come in. You could hear when she squalled. Boy, everywhere but then. Le voyage vient de terminer, Paul. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que ce style de chanson parlée-là était... le style de Booker White, ou c'est un style à cette époque-là? Ou... Ben, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que si tu écoutes des enregistrements de Charlie Patton, des artistes comme ça aussi, ils faisaient des call and response, qu'on disait. Des fois, ils s'imitaient eux-mêmes, ou ils parlaient en racontant une histoire. Ils disaient, un tel m'a dit quelque chose. Et puis là, ils vont imiter la voix de la personne qui leur parle. Ouais. Donc, c'est une particularité d'une de ces chansons-là à Booker White, mais je pense que ça fait partie quand même du jargon culturel de l'époque aussi. Parce que c'était des raconteurs, si tu veux, aussi, ces vieux bluesmen, ils racontaient des événements qui se passaient, que ce soit des cataclysmes météorologiques, là, tu vois, il y avait un ouragan qui passait ou une inondation, des trucs comme ça, ils parlaient de ces trucs-là. Et puis, c'est ça, c'est bien intéressant, puis ils racontent un peu ces histoires-là à travers leurs textes. Fait qu'il y a des occasions où est-ce qu'il y avait du parler dans les chansons, puis je trouve ça vraiment fascinant. C'est une chose qu'on a quasiment perdue aujourd'hui, à moins qu'on regarde des trucs comme le rap et tout ça, là. Oh oui. Ou des raconteurs, si tu veux. Prochaine pièce que je vais te présenter, Denis, c'est du très, très grand Leadbelly, qui est Huey Leadbetter. Qui a été très, très populaire à l'époque, qui a influencé beaucoup de gens comme Bruce Springsteen et Bob Dylan et tout ça. On avait déjà fait jouer une de ses pièces avant, mais celle-là, c'est une pièce qui est quand même très connue si on est fan de la musique des années 60 et tout ça. CCR ont fait une reprise de cette chanson-là que la plupart des gens ont déjà entendue. Et puis, c'est l'histoire encore d'un train. Un train qui faisait un virement en face d'une prison. En fait, aux États-Unis, je pense que c'est la prison Angola ou quelque chose. Puis quand le train faisait changeait de bord, okay. On voyait la lumière du train qui s'en venait, qui illuminait les gars dans la cour de la prison ou dans leur cellule le soir. Et ça s'appelait, c'est Leadbelly avec le Golden Gate Quartet. Mais la chanson s'appelle The Midnight Special. Yonder come a Miss Rosie, kind of word do you know? Well, I know about an apron and a dress she wore. I'm a river on her shoulder, she's a paper in her hand. Well, I'm going and ask the governor, he trying to lose my man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven-loving light on me. When you get up in the morning, when that big bell rings, you go to march to the table. Be the same damn thing, not the poker on the table. There's nothing in my pain. Never said a thing about it. Have trouble with the main. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Well, I went to the nation. Well, I thought about a girl I love lives in Mexico. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. You ever go to Houston? Boy, you better walk right. And you better not squabble. And you better not fight. Mass and Rocker will arrest you. Payne and Boone will take you down. You're gonna bet your bottom dollar. And a change of rebound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine girl. Well, Judy brought jumping to this whole round world. Well, she brought it in the morning, just a one more day. She brought me the news that my wife was dead. That started me to grieving, been hollering and crying. I begin to worry about a bit long time. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. I got like 10 seconds. I'm back on the air. Ah, et ça finit avec un gars qui était prêt à revenir chanter, Paul. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. La prochaine est aussi une collaboration, hein? C'est Buddy Wolf. Oui, oui, en fait. Et puis, je ne sais pas si c'est la version exacte que tu as présentement à nous faire entendre. Mais c'est une chanson, ça n'a pas rapport avec les trains. Ah, je voulais mentionner aussi que les deux dernières chansons, j'aimerais les dédier à un certain Simon Baudet. Il va être très heureux. Qui est fan de train et tout ça. J'avais oublié de le mentionner. Et puis, la prochaine, ce n'est pas une chanson qui a rapport avec les trains. Mais c'est une chanson que j'affectionne particulièrement, juste de par sa mélodie et vraiment, si j'ai même dans quelques instances fait hommage à cette mélodie-là et qui ouvre la chanson, par exemple, dans la version de Love and Vain qu'on fait sur le dernier album du Polydor Yvan. Alors, je vous présente Muscat Hill Blues de Buddy Woods avec Wampus Cats. I've got a girl, and she lives near Muscat Hill. I've got a girl, and she lives near Muscat Hill. Well, she went away and left me, but I believe she loves me still. Drink of whiskey, to drink some muscat wine. And you get one drink of whiskey, and to drink some muscat wine. Well, you wanna see your good gal, and she lives on the other side of town. Going down to the Golden Slip and get my jug refilled. walk back to Muscat Hill. People said we'll kill you, but I don't believe it will. Some people said we'll kill you, but I don't believe it will. Well, because if it did, I should have been dead right on Muscat Hill. Goodbye, I wanna leave your town, and I don't believe I will. Goodbye, I wanna leave your town, and I don't believe I will. But I just wanna hang around so I can walk back to Muscat Hill. Ah, c'était. C'est malheureusement pas la version que Paul, tu t'attendais d'entendre. Malheureusement, elle était très difficile à trouver. Quelque chose d'obscur, des fois. Ben oui, parfois, la musique de cette époque-là est très difficile à trouver dans les sites légaux, etc. Donc, c'est assez compliqué. Paul, qu'est-ce qui s'en vient pour le Paul des Lauriers Blues dans la prochaine semaine? Le Paul des Lauriers Band est en tournée ontarienne à partir de la semaine prochaine. On s'en va à London, Ontario, Belleville, okay. Et puis Ottawa. Ensuite, on termine notre année le 23 décembre à Toronto, à Hughes. Puis ensuite de ça, on est en congé pour les fêtes, puis on part le bal après le nouvel an. Et évidemment, on se prépare pour notre semaine à Memphis du 25 au 31 janvier, oui. Parce qu'on s'en va compétitionner. On représente le Québec entier, en fait, au International Blues Challenge à Memphis, qui rassemble à peu près 250 groupes de musique blues à travers le monde qui viennent compétitionner pour la première position. Hein. Et donc, si on est bien fiers qu'on s'en va représenter le Québec pour ça. Et si tout va bien, Très Blues Assez Fou sera diffusé de Memphis pendant cette semaine. Directement, en direct. En direct de Memphis. On travaille oui. Là-dessus avec la production ici pour avoir les équipements nécessaires. Donc, mais je devrais me déplacer, aller vous rejoindre à Memphis et diffuser en direct de là. Ça va être vraiment excitant. Vous allez voir. Puis j'ai bien hâte de vous parler de tout ça en ondes aussi. Raconter notre expérience et tout, parce que c'est vraiment quelque chose à voir puis quelque chose à vivre. Et on essaiera d'aller chercher des bluesmen sur place et faire des entrevues. Donc, il y a moyen de remplir une belle émission directement de là-bas. Tout à fait. Paul, je te remercie, comme à l'habitude. On se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Je vais être en direct de l'Ontario la semaine prochaine. OK, good. Donc, au plaisir. Mais pour rester dans le même thème, on y va avec une vieille toune de blues, mais de Christmas blues, avec Charlie Jordan et avec Christmas Blues. Christmas, Christmas, how glad I am you are here. Christmas, Christmas, how glad I am you are here. Well, I ain't had a chicken dinner for this whole round year. Shiny bones and naked bones, please leave from around my plate. Shiny bones and naked bones, please leave from around my place. Well, because today is Christmas, and please don't make me late. So pass me that chicken. turkey's duck and a goose. So pass me that chicken, the turkey's duck and a goose. Well, all you birds gonna be one-legged when I turn you a loose. Just a few more biscuits and another piece of pie. Just a few more biscuits and another piece of pie. Well, you can make yourself ready fruitcake, because your time is drawing nigh. Bring in all the whiskey, yeah, the eggnog and the gin. Bringing all the whiskey, let's have a good time. The eggnog and the gin. Well, because today is Christmas and the fun is going to begin. Vous écoutez Très Blues à Tifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Et on poursuit notre émission de Très Blues assez fou sur C'est fou 89.1 FM. Cette semaine, j'ai introduit une nouveauté pour vous. Je vais vous parler du palmarès des albums blues aux États-Unis, dans le monde un peu, particulièrement à partir des données du magazine Billboard. Billboard est un magazine connu et reconnu depuis plusieurs années pour ses compilations et surtout ses articles. Si vous allez sur le site internet de Billboard, vous allez avoir des articles intéressants et particulièrement plusieurs types de compilations ou de palmarès. Donc, au palmarès Billboard, je vais vous faire les 5 albums de blues qui sont le plus en demande, le plus vendu présentement, et l'album qui est en 5e position. En 6e position, pardon. L'album en 6e position est un album par un individu qui s'appelle Leslie West. Leslie West, l'album s'appelle Soundcheck. Elle est sortie le 20 novembre 2015 et il est déjà en 6e position au palmarès. Voici la pièce People Get Ready de Leslie West. Kingdom. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. All you need is faith to hear the diesel humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. La sixième position du palmarès Billboard, palmarès blues de Billboard, Leslie West avec la pièce People Get Ready de l'album Soundcheck. L'album est en sixième position et est sorti depuis le 20 novembre 2015 et il poursuit sa progression. L'album en quatrième position, je vous saute la cinquième position, je vous expliquerai pourquoi dans quelques minutes. L'album en cinquième position, c'est un album d'un gars qui a une historique du blues assez particulier, qui a beaucoup d'albums à son actif. Son dernier album a 17 semaines et il est toujours en quatrième position. J'ai choisi de vous présenter la pièce titre « Born to Play Guitar », l'album de Buddy Guy. I was born in Louisiana, and at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone, but my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation, oh, everybody knows my name. Yeah, I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. Thank you. six strings loaded on my bad machine. Show me the money and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing and on my dying day a polka dot guitar will be resting on my grave. I got this young reputation and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins. Vous êtes assez tard. 89 ans. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Et l'on poursuit Très Blues à Cifou. Nous sommes dans la deuxième heure de cette émission de deux heures. Il me fait toujours plaisir à tous les jeudis de vous présenter mes meilleurs coup de cœur du blues avec mes collaborateurs. Je vous rappelle, la semaine prochaine, nous aurons avec nous Steven Hubert. Steven nous fera une présentation de ses coups de cœur, mais particulièrement ses coups de cœur qui se feraient plaisir à offrir à Noël. Donc, des cadeaux de Noël blues, des disques que vous pourrez vous procurer et offrir à vos amis pour la période des fêtes, pour la période de Noël. On fait une petite interruption dans notre programmation de ce soir qui est du blues de Noël pour vous présenter le palmarès Billboard qui est aussi, j'imagine, quelques-uns de ses albums feront partie de la présentation de Steven la semaine prochaine. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui occupe deux positions cette semaine au Billboard. Un gars qui est en troisième position et en cinquième position. Deux albums, un album en troisième position qui s'appelle Live at Radio City Music Hall et aussi un album en cinquième position qui s'appelle Muddy Wolf at Red Rocks. Je vais vous présenter Joe Bonamassa avec Trouble Town. Trouble Town de Joe Bonamassa. Si vous aimez les albums à grand déploiement, les spectacles à grand déploiement, Bonamassa est supporté par un orchestre fabuleux avec beaucoup, il y a beaucoup de musique, beaucoup d'instruments. Il laisse la place à plusieurs instruments, mais il prend aussi beaucoup de place à l'avant avec sa guitare. Bonamassa est, à mon avis, le bluesman de spectacle qui, je vais faire une comparaison boiteuse avec un Garth Brooks du blues qui présente, où l'élément spectacle est très, très, très important, l'élément présentation, l'élément musique étant aussi très bien présenté. Je vous présente la deuxième place du palmarès Billboard de cette semaine, la deuxième place blues. Si vous avez un bluesman à découvrir cette semaine, ne serait-ce que dans les prochaines semaines, je vous invite à vous procurer l'album de Gary Clark Jr. L'album s'appelle The Story of Sonny Boy Slim. Elle est en 12e semaine, pardon, au palmarès, en 2e position. C'est rafraîchissant, c'est nouveau, c'est la nouvelle vague, c'est le nouveau bluesman qu'on va entendre de plus en plus. C'est un nom à retenir. La pièce s'appelle Church. Voici Gary Clark Jr., la 2e position au palmarès Billboard de blues. I'm in love with a woman who's in love with a man. I can't be with any I was taught to be patient, and I was taught to be kind, but I unwind. C'était la deuxième place au palmarès blues de Billboard. Gary Clark Jr., la pièce s'appelait Church. L'album s'appelait Story of Sonny Boy Slim. La première position au palmarès Billboard, c'est quelqu'un qui est venu jouer à Trois-Rivières cet été. Effectivement, Billy Gibbons. Billy Gibbons, il est un des ZZ Top. Il nous présente son album Perfectamundo. Perfectamundo, c'est la quatrième semaine au palmarès. Il est en première position. La pièce s'appelle Got Love, If You Want It. de l'album Perfecto Mundo de Billy Gibbons, c'était Got Love If You Want It. C'était la première position au palmarès blues du magazine Billboard. Dans les prochaines semaines, nous ferons les palmarès Billboard de toutes les semaines. Nous allons entendre des pièces différentes de chacun des albums qui demeureront au palmarès. On poursuit notre spécial du temps des fêtes, notre spécial Noël. Nous écoutons Clarence Carter avec Backdoor Santa. Santa, I make my runs about the break of day. They call me backdoor Santa, I make my runs about the break of day. Oh, oh, oh. I make all the little girls happy while the boys are out to play. Look at him. Once a year. Oh, oh, oh, oh. I ain't like old Saint Nick. He don't come but once a year. But look at him. I come running with my presents every time you call me here. Look at him. I keep some change in my pocket in case the children at home. I give them a few pennies so that we can be alone. I leave the back door open so if anybody smells a mouse. And wouldn't old Santa be in trouble if ain't no chimney in the house? They call me back door Santa. I make my runs about the break of day. Look ahead. I make all the little girls happy while the boys are out to play. That's what they call me. Backdoor Santa, that's what they call me. They call me Backdoor Santa, that's what all the girls call me. I give them all the presents, that's what they call me. They call me Backdoor Santa, and I like them to call me that. They call me Backdoor Santa. I'm

prisoner. I ain't got a dime. Blues for Christmas. I ain't got a dime. I'm sitting here wasted with my head hung down. Santa Claus, send my baby back. I may not have no money, but she be rich in this. Blue for Christmas, blue as I can be. I can be. I'm sitting here drinking, trying to drink my baby back. Don't get my baby, I'll stay blue all the time. Oh, Sandy, I'll stay blue all the time. Please do me a favor, I can lose the Christmas blue. Christmas, baby, sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby, sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on the radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on the radio. Well, I wanna kiss you, baby. Oh, I while you're standing 'neath the mistletoe. Standing 'neath the mistletoe. Hang it on, baby. Take it on. Christmas, baby. Merry, merry. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. You sure did treat me nice. You sure did treat me nice. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Oh. Well, you sure did treat me nice. You sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through Al's mic. Yeah, yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Good music on my radio. Well, I want to kiss you, baby, while you're standing 'neath the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it, man. Well, I'm feeling mighty fine. Feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, hut. Underneath your mistletoe. Underneath my mistletoe. I said, Merry Christmas, baby. Yeah, you sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Give me a diamond ring. Merry Christmas Baby, Elvis Presley et Gretchen Wilson. Il y a certains classiques qu'on ne peut s'empêcher de passer pour faire passer du blues, écouter du blues, surtout particulièrement dans le temps des fêtes. La prochaine pièce est une pièce de Lowell Wilson, I Want to Spend Christmas with You. That streetcar rumble right outside my door. Hush now, boy, you crazy. That car don't come by here no more. Haven't been no streetcar in more than 30 years. I'm telling you, I heard it with my own ear. Thought I saw my baby walking in a see-through summer dress. She was coming round the corner down by the cotton press. Hush now, boy, you crazy. She been gone a long, long while. But I thought I saw my baby with a hello, daddy smile. I've been living in a dream time, like it never went away. And I felt so fine and happy when I heard my baby say, rest easy, darling, while I find my pretty shoe. 'Cause I feel like going dancing. Yes, I feel like I just can't lose. The lightning crack. That old streetcar took my baby, and I know they ain't coming back. So I bowed my head in sorrow, and I set my little teacup down. I said, I'll be back tomorrow. If it ever comes around, le pianiste canadien de blues David Vest. David Vest qu'on avait entendu déjà dans une autre émission, qui est un étudiant qui a remporté plusieurs récompenses au Canada, au Maple Blues Award particulièrement. La prochaine pièce est une pièce de Chuck Berry, et on reste dans le hymne, dans le style du temps des fêtes. If I could only have an hour of this holiday with you, we could sit and rap together, spin records old and new, have a little cake and a bit of coke now, and do the things we used to do. Jingle bells will all be ringing, and little kids' eyes are blue. Strolling, singing carols, making tracks out in the snow. Oh, will I be with you this Christmas? Maybe yes, and maybe no. Happy If I could have it all alone with you. But if I just can't be with you, let me call you on the phone, child. I wanna tell you I still love you and how it feels to be alone. I wanna wish you a Merry Christmas as the old year passes on. Écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. It's